France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1990, les Mardis du cinéma consacrent une émission au film de Fritz Lang, Les contrebandiers de Moonfleet. Réunis pour l'occasion autour de Noël Simsolo, Alain Corneau, Bernard Eisenschitz, Serge Danet, Jean Doucher et Michel Cazenave se penchent sur cette œuvre majeure de l'histoire du cinéma que Fritz Lang prétendait pourtant ne pas beaucoup aimer. Il est vrai qu'il s'agissait d'un film de commande tourné en cinémascope que Fritz Lang détestait et dont il dit dans Le mépris de Godard qu'il n'est utilisable que pour les enterrements et les serpents. En regardant ce film, personne ne peut pourtant douter de l'implication totale de Lang dans sa réalisation. Moonfleet a marqué profondément l'imaginaire de plusieurs générations de spectateurs dans le monde. Distribué en France en 1960, 5 ans après sa sortie aux États-Unis, il est une inépuisable source de réflexion pour les cinéphiles et d'inspiration pour les jeunes cinéastes. Les analyses qui nous sont proposées ici de ses thématiques et de sa mise en scène nous aident à mieux comprendre pourquoi Moonfleet est un film unique qui conserve aujourd'hui encore toute sa puissance. Les Mardis du cinéma présentent, en hommage à Fritz Lang pour le centenaire de sa naissance, Les contrebandiers de Moonfleet. Une émission de Noël Simsolo, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Après la Première Guerre mondiale, on a essayé de faire des choses sociales. On a peut-être, je ne suis pas sûr, pas pensé à l'esthétique. Je ne sais pas si vous savez que j'avais fait la peinture ici, à Paris, avant la guerre. J'habitais au Montmartre et j'ai essayé de faire la peinture à Montparnasse. C'était 12-13 que j'ai vu le premier film ici et que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et je crois... Je le dis souvent, je crois que le film, c'est l'art de notre siècle, et plus que ça, c'est l'art du peuple. C'est Paris qui m'a formé et qui a conduit mes premiers pas de metteur en scène. Fritz Lang, on avait l'habitude, quand on était adolescent, de dire que Les contrebandiers de Moonfleet étaient le plus beau film du monde. Alain Corneau. Beaucoup de gens ont abandonné, à juste titre, cette attitude. Je continue à penser que c'est vrai. Je crois qu'il y a dans Les contrebandiers de Moonfleet, et dans sa simplicité, et dans son, je dirais presque même dans le rejet que fait Fritz Lang du film, certainement une des choses les plus capitales du cinéma. Il y a 200 ans, la vaste lande d'Orsay sauvage et venteuse jouxtait la mer. Dans ses anses cachées et ses villages solitaires, les contrebandiers exerçaient leur rude métier. Un soir d'octobre 1757, un enfant y vint, en quête d'un homme qu'il croyait son ami. Premier plan, là. Bah, dès le premier plan, d'abord, ce qui frappe, c'est que c'est le seul film en scope, hein, mais ça, tout le monde l'a dit, mais dès le premier plan, on a cette impression langienne de réalité reconstituée, c'est-à-dire d'une réalité qui n'en est pas une. Et il lit Moonfleet. Tout de suite, il lit Moonfleet, il le dit, mais ça va être à peu près l'apprentissage de l'enfant pratiquement totalement. Et tout de suite, comme dans tous les grands langues américains, on a une impression qui découle de cette impression de fausse réalité qui vient. Là, c'est rajouté par la nuit, hein, c'est-à-dire que le film entier se passe de nuit sur la lande. Et donc, on a un enfant tout seul, ce qui est assez bizarre, qui chante, ce qui est totalement anormal, ce qui apparaît pas comme anormal, mais qui l'est, qui retire son soulier pour voir. Enfin, c'est très trivial, très simple, et on sent que l'intervention de la tragédie, c'est-à-dire la divinité pure, va arriver. Et comme c'est un enfant, il va arriver beaucoup plus violemment et beaucoup plus simplement que dans un film de gangster. C'est-à-dire qu'il entend un bruit. Et l'image gothique. Et il y a une image gothique, pour le moment, qui est purement imaginaire, puisqu'il ne s'agit que d'une statue. Sauf qu'elle a les yeux blancs. Mais... Et arrive une main. l'aimant languin. Exactement. Et à ce moment-là, l'enfant s'enfuit. Et tout de suite, sans avoir rien vu de ce qui s'est passé, on a un plan vu par lui, mais en fait pratiquement déifié, de tous les contrebandiers autour qui le regardent en contre-plongée. Et l'enfant, à ce moment-là, à mon avis, est passé du côté du miroir et commence une vie imaginaire de l'enfant. C'est la natalité. Voilà, c'est tout à fait une naissance, complètement. D'où viens-tu, petit ? Et on attaque tout en gardant l'idée du film d'aventure. Et le secret, tout de suite. C'est souvent une question de lettres, d'ailleurs. Mmh. Très souvent. Mais l'enfant est assez maltraité, mais bon, en même temps, on voit qu'il fait déjà quand même partie de cette communauté. Et en un seul panoramique, je veux dire d'une manière très très simple, on installe déjà un personnage qui serait lettré, puisque c'est lui qui lit la lettre, tous les contrebandiers, il y a Jackie Lam, évidemment, qu'on adore tous, qui est dans un coin et qui tient le créneau. Et il y a la quête d'identité, puisque c'est la quête d'un ami, comme on dit, qui est la recherche d'identité, comme on retrouve dans tous les films noirs de langue. Et il coupe le plan sur le nom de Jeremy Fox. Voilà, et dès qu'il a parlé de cette lettre et de l'ami, la porte s'ouvre et rentre Stuart Granger. Jeremy Fox, évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun embarrassement de scénario, de se dire, il faut que ça soit plus alambiqué, il faut que telle chose, il faut faire attention, ça va être un peu gros, etc. Là, le style est tellemment flamboyant qu'on a l'impression que dans ce film, effectivement, l'angle peut tout se permettre. Et arrive l'espèce de femme. Arrive, en fait, le diable. Gitane, le diable avec lui. D'ailleurs, il lui dit, venez près du feu. Et tout l'aspect précieux du Stuart Granger vient de lui, évidemment, mais surtout vient de la rupture extraordinairement forte qu'il y a eu avec les personnages qu'on a vus avant, qui étaient évidemment le contraire de Granger. Plus l'autorité, évidemment. C'est-à-dire que tous ces gens qui faisaient peur, d'un seul coup, passent sous l'autorité de Granger. Et en même temps, techniquement, une virtuosité qui n'est jamais spectaculaire. Non, là, il se calme, l'angle, il fait des tout petits travelling avant, pour essayer d'encercler, à mon avis, Stuart Granger le plus possible, alors qu'avant, la rupture était en plan fixe. Et que tout le film va être fait sur le cercle, d'ailleurs. Et après, c'est sur le cercle. Jusqu'au puits, jusqu'à l'enfermement dans le puits. La violence mais théâtralisée complètement. Oui, mais enfin, une violence quand même extrêmement brutale. Une violence qui est vraiment pas américaine, qui est typiquement allemande. Et c'est là où on retrouve le grand démon de l'expressionnisme à l'intérieur même d'une image, d'une conception de production totalement hollywoodienne et spectaculaire. C'est-à-dire que le doute est tellement profond sur les personnages. Qui sont-ils? Comment agissent-ils? À quel moment ils peuvent se briser? Je veux dire, dès maintenant, on ne sait plus. Je veux dire, on est complètement perdu. Et le rapport à la mémoire au passé avec le thème musical. Ça, c'est Miklos Rossa, qui est sans doute une des plus belles musiques de Rossa. Le premier rapport très respectueux de l'enfant. Et là, on sent, quand il dit John Mohun, que c'est son fils. Oui. Même si ça ne sera jamais dit. Bien sûr. Il dit fils d'Olivia. D'Olivia, mais c'est ce que ça veut dire. C'est le film phare sur l'éducation, sur l'initiation et sur l'apprentissage de la mort, bien sûr. D'ailleurs, c'est là qu'on va voir la chaise avec l'étoile de l'initiation, l'étoile maçonnique. À partir de maintenant, les rapports de plan entre eux deux sont évidemment un peu plus serrés, mais à cause du scope, l'angle, contrairement à ses autres films, est obligé quand même de garder les deux le plus souvent dans le même cadre. Ce qui n'est pas tellement son habitude. Non, ce qui est extrêmement rare. Ce qui donne cet aspect très bizarre. Je crois que Lang a subi dans ce film à cause du scope, ce qui fait subir normalement à ses personnages. Mais la serre. Oui. La serre montrant le signe, toujours. La serre, c'est le signe. Oui. Ça indique l'information. Alors, rejet immédiat du petit, évidemment. Arrivée théâtrale, disons, avec les rideaux. Et ça, c'est un aspect très important. Là, Stuart Granger est en train de se démarquer socialement de son origine. C'est-à-dire qu'il est en train de bien marquer, de manière très nette, très très rapidement, après sa violence, après son élégance, en train de marquer qu'il est totalement marginal. Et qu'à ce moment-là, l'éducation qui va se produire ne va pas être une éducation de classe, mais une éducation vraiment... on peut faire une analyse marxiste du film très simple. L'aristocrate anarchiste. Exactement. C'est-à-dire le véritable aristocratie, celle qui a été révolutionnaire. Qui marque. Et qui va contre sa propre classe, quoi, et qui est seule de langue. Aristocrate marginal. Avec la peur de l'enfance, la peur d'avoir l'enfant. Bien sûr, le rejet même d'un fils, que sa race continue elle-même. Ah, est-ce qu'il y a le nazisme derrière? C'est possible aussi. On peut tout dire sur ce film. Parce que... Et ça, le temps raconte de ça. Voilà, et il dit qu'il ne peut pas devenir un double de lui-même. name of that? Nice to have a friend. A friend? Ah, ça, c'est... Par amitié interposée, mais excuse-moi, je ne crois pas que l'homme soit très obsédé par l'amitié. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. They married her off to the first available cousin, and they shipped me to the devil by the quickest road. Là, Stuart Granger parle toujours du rejet. C'est-à-dire qu'en fait, les débuts de l'éducation sont sur le rejet. Il n'y a pas de flashback, alors que dans les films de la MGM de cette époque-là, quand ils parlaient de mon rejeté et tout, on aurait vu des plans de flashback comme chez Thor ou ailleurs. Pas du tout. Et enfant d'or, il retourne vers le diable. Et le sexe, il est bien marqué comme tel. Donc près de la cheminée, évidemment. Mais il prend bien une place. Oui, mais enfin, il se retourne quand même très nettement quand l'enfant passe, qui est quand même un signe manifeste de ce qui va se produire après. Voilà. Et justement, ce qui va se produire également, c'est que la mort est liée à l'enfant. Mm-hmm. Vu qu'il est dans les mêmes rideaux où était l'enfant. Et le mort tombe enrobé dans le rideau. C'est-à-dire qu'en fait, comme un fantôme. Comme un fantôme. C'est-à-dire qu'il tue déjà une partie de lui-même. Ça paraît évident après pendant tout le film. Il va se débarrasser peu à peu de tout ce qui faisait son enveloppe pour redevenir l'enfant qui refuse pendant tout le film violemment. Et dans l'humour, l'autre dit, quand le passé est mort, il n'y a plus la tempête. Et après, on repasse donc en extérieur. Et on n'arrête pas de dire vite avant la nuit, et tout le film entier est de nuit. J'ai l'impression que c'est une longue nuit. Bernard Eisenschitz, Les Contrevoyers de Moonfleet, Moonfleet de Fritz Lang, est un film qui... d'une part, est considéré par les cinéphiles, par les amateurs de Fritz Lang comme un de ses chefs-d'œuvre, mais qui, par contre, n'est pas considéré de la part de Fritz Lang comme un chef-d'œuvre. Et pourtant, quand on voit le film, la perfection est évidente. Alors, d'où vient ce malentendu? D'où vient ce problème? Et comment la genèse de Moonfleet a-t-elle eu lieu? Pour Lang, il n'y avait pas de film... pas important, de films de commande, de films qu'il aimait moins, de films qu'il... il y avait des films qu'il aimait moins et des films qu'il aimait plus, bien sûr. Une fois qu'il se plongeait dans un film, il y était complètement immergé, il n'y avait plus que ce film qui existait pour lui. Alors, il est certain que Moonfleet, pour lui, n'est pas un film qu'il a choisi. Peter Bogdanovich lui demande « Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'histoire ?» Et il répond « Séduit, vous plaisantez, on a un contrat, on fait ce qu'on vous dit ». C'est ce qui s'est passé. Il ajoute aussi dans l'interview de Bogdanovich qu'il avait certainement été séduit par l'idée de travailler pour MGM, pour qui il avait tourné son premier film en Amérique, Fury, et pour qui il n'avait plus tourné depuis 20 ans, depuis 21 ans. Donc il y a eu l'idée d'une espèce de revanche avec le studio le plus fermé, le plus immobiliste de Hollywood. À l'époque d'ailleurs, c'est un peu dans la carrière de Lang, le moment des, entre guillemets, revanche. Il va bientôt retourner en Allemagne, il va retourner le tombeau hindou. Dans son esprit, il y a cette idée de revanche beaucoup plus fort que peut-être les années précédentes. Il y a l'idée de revanche qui compense un peu un déclin professionnel, un déclin de la côte en termes hollywoodiens. Son film précédent, Désir d'humain, avait été un échec commercial. Or, à Hollywood, le critère de la réussite, ce n'est pas la réussite d'un film, ce n'est pas de faire un beau film. Le critère de la réussite, c'est d'avoir un succès critique et financier, essentiellement. Donc Lang était un réalisateur sur le déclin, avec une réputation excessivement mauvaise de teuton, nazi, dictateur, tyran sur le plateau. Et pour lui, c'était un peu une chance de pouvoir tourner un film en cinémascope, ce qui à l'époque était quand même un plus de budget. Pour MGM, il s'agissait de continuer les films d'aventure romantique pour lesquels il y avait deux vedettes, Robert Taylor, Stuart Granger. Alors dans ce cas, c'était Stuart Granger, dans d'autres cas, c'était Robert Taylor. Mais cette fois-là, le producteur n'était pas forcément le même que pour les Ivanhoe, pour les choses comme ça, je crois. Voilà, il s'agissait de John Houseman, qui était un producteur d'origine européenne, né en Roumanie, français, puis américain seulement, et qui avait une réputation de producteur cultivé, intelligent, à succès, qui avait travaillé avec des gens comme Nicolas Ray, Max Ophuls, Vincent Minnelli, Joseph Mankiewicz, qui venait de travailler et avec Mankiewicz pour Jules César, et avec Minnelli pour Les Ensorcelés et pour La Toile d'Araignée. Un peu considéré comme le producteur des intellectuels. Un peu considéré comme le producteur des films de prestige. Et pour lui aussi, Moonfleet n'était pas un choix idéal. Il voulait tourner un film sur l'histoire du mouvement syndical. Alors à la métro, ce n'était pas vraiment le moment. Et il venait de tourner un film assez difficile avec Minelli, La toile d'araignée, et on lui a proposé ce film. On lui a dit, voilà, ce roman, on a un roman du 19e siècle qui est parfait pour Stuart Granger. Il va pouvoir bondir sur les tables, se battre à l'épée. Il y aura des duels, des poursuites, de l'aventure. On pourra faire du scope comme on a fait les Chevaliers de la Table Ronde. Vous, bien sûr, c'est pas votre genre, mais si vous faisiez ça, ça nous rendrait un service et après on vous laissera faire ce que vous voulez faire. Donc il a repris ce projet qui avait été laissé au studio par un producteur qui avait quitté le studio. Et qu'est-ce que c'était ? C'était un roman anglais de la fin du 19e siècle, d'une espèce d'épigone de Stevenson, un très bon roman d'ailleurs. James T. Faulkner. Qui a été traduit en français pour la première fois, qui a été adapté en français sous le titre Le Diamant de Barberousse, et qui a été traduit en français pour la première fois il y a 2 ans. Un beau roman, duquel il existait déjà une adaptation assez avancée par Jan Lustig, un scénariste allemand émigré, et Margaret Fitz, une scénariste de la maison. Enfin, c'était un peu... On reprenait les équipes qui avaient fait les premiers films en scope, type Chevalier de la Table Ronde, encore une fois, et on leur faisait faire le film suivant, et puis on avançait comme ça. Mais pour Lang, je crois que de ce côté-là, ce sont plutôt les cinéphiles français qui ont raison contre les Américains, ou contre les gens qui considèrent que l'important, c'est l'intention de quelqu'un, ou c'est la part de contrôle qu'il a de manière contractuelle sur un film. Pour Lang, je crois qu'on peut dire qu'à de très rares exceptions près, il n'y a pas de différence entre les films dont il prend l'initiative, dont il choisit le sujet et impose les scénaristes, et les films sur lesquels il arrive et on lui donne quelque chose de déjà prêt. Le travail de préparation, le travail d'élaboration est toujours aussi minutieux, aussi maniaque et aussi radical. De toute façon, et la mise en scène étant son expression première, on pourrait peut-être même penser que dans un cas de parcours imposé, la mise en scène, le travail de mise en scène de Lang est encore plus lisible et formidable que dans un cas où il a un message, entre guillemets, à faire passer. Oui, encore que la mise en scène, commence déjà dans l'élaboration du scénario. Donc il se peut... Disons le traitement de cette mise en scène, peut-être. Le traitement de cette mise en scène, oui. Je prends un exemple, Bernard Eisensheet. Il est évident que quand Lang, même s'il dit qu'il n'a pas fait le montage et tout, choisit de faire un panoramique de l'épaule de Stuart Granger vu de face, la clavicule, dirait-on, du visage vers la main blessée sur le puits, ça répond exactement au même mouvement de caméra lorsque l'on montre son dos lacéré par les chiens avant et que la caméra descend un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des espèces, disons, de rapports sans arrêt qui sont uniquement des rapports de mise en scène, de mise en image. Et que finalement, son film se trouve peut-être plus une thématique qu'il rejoindrait lui au-delà du roman là que dans le scénario. Alors que dans d'autres films, en effet, où il a un contrôle sur le scénario, il prépare tout cela d'une manière beaucoup plus, disons, générale. Il prépare là aussi, même s'il n'a pas changé grand-chose au scénario. Enfin, c'est ce qu'affirmait en tout cas le survivant des deux scénaristes, je ne sais plus lequel des deux, même s'il n'a pas changé grand-chose à la lettre du scénario, on peut voir à la Cinémathèque française, il a déposé ses archives et des scénarios de Moonfleet, on voit que tous les plans sont conçus de manière extrêmement précise, qu'il dessine des parcours et de caméras et d'acteurs, et que ça, pour lui, ça n'est pas préparer la mise en scène, c'est encore écrire le scénario et c'est déjà préparer la mise en scène. Monsieur Fox. Oui, laissez-moi entrer, de grâce. Vous êtes vraiment déconcertant. Je suis en train de vous offrir une chance incomparable et je vous trouve préoccupé par d'autres choses. Vous devriez savoir qu'il y a un temps pour les affaires et un temps pour ces autres choses. Jérémy. Oui. Vous avez une visite. C'est moi, monsieur. Mais que diable ? Veuillez m'excuser, monsieur, j'ignorais qu'il y avait des dames ici. Est-ce que je dois partir, monsieur ? Explique-moi d'abord pourquoi tu es venu. Quoi ? J'ai été enlevée, monsieur. C'est donc ça ? Oui, monsieur. Mais qu'as-tu fait de mon cocher, voyons ? Tu Tu l'as frappé jusqu'à ce que mort s'en suive. Monsieur. C'est moi qui ai ordonné qu'on te fasse quitter Moonfleet et qu'on te mène dans une école pour que tu puisses passer ton enfance affamé et battu, car je veux que l'on fasse de toi un gentleman anglais accompli. C'est là votre décision, alors? Dame, oui. Souffririez-vous que nous en discutions? Aurais-tu une objection à faire? Oui, monsieur. Je désire rester ici. Il a bien raison. On ne peut le blâmer de se plaire en joyeuse compagnie. Viens boire un verre, mon garçon. Non, merci, monsieur. Je gage que tu préférais danser avec cette jeune personne là-bas. Non, merci, monsieur. Je ne sais guère danser. Mais peut-être sais-tu chanter, alors? Une petite chanson à boire, nous t'écoutons. Si elle nous plaît, nous demanderons à Fox de te garder ici. Qu'est-ce que tu en penses? Tu connais bien une chanson? Oui, j'en connais une, monsieur. Eh ben, chante-la. There were two birds sat on a stone. Fa-la-la-la-la-la. One flew away and then there was one. Fa-la-la-la-la. Alors, monsieur, est-ce que je reste? Et qui se chargera de ton éducation? Vous, monsieur. Laissez-vous convaincre, Fox. N'est-il pas vrai que si ce garçon désire devenir un coquin, aucun homme en Angleterre ne saurait lui offrir meilleur exemple? Votre remarque est injurieuse, monsieur. Comment? Qu'as-tu dit? J'ai été clair, monsieur. Ah, c'est un petit sauvage. John, demande pardon tout de suite à Lord Ashford. Non, monsieur. Il vous a insulté. Tous, ils vous ont insulté. Tu es un petit garçon impudent et grossier. Tollet, vous allez coucher ce poulain sauvage. Mettez-le vite en pension. Il en a grand besoin. Qu'on lui apprenne la politesse. J'ai changé d'avis, Ashford. Je l'aime comme il est. Comptez-vous le garder longtemps ici? Aussi longtemps que cela m'amusera. Qu'avez-vous l'intention de faire de lui? Le corrompre et le détruire comme moi? J'ai bien peur que ce soit lui qui me détruise plutôt. Non, non! Au secours, à moi! Montrez! Réveille-toi, réveille-toi! Il me morde! Allons, réveille-toi! Pensez-vous, monsieur? Eh bien, je t'ai sauvé la vie au bon moment. Toute la meute était à mes trousses. Ils me dévoraient, monsieur. Qui donc? Les chiens. Dans le pavillon de chasse. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mon rêve, c'était comme... Comme quoi? Ce que ma mère m'a dit autrefois. Que t'a-t-elle dit? Eh bien, qu'un ami à elle était venu la voir un soir dans le pavillon. On a lâché les chiens, toute la meute. Et ils l'ont presque dévoré. Ta mère était dotée d'une folle imagination. Elle n'aurait jamais dû te mettre ces absurdités en tête. Jérémy. Pourquoi mentez-vous à ce petit? Qui était ta mère? Pourquoi t'a-t-elle dit d'aller vers lui? Pourquoi? Réponds, es-tu muet? C'est sur lui, n'est-ce pas, qu'ils ont lâché les chiens? Qui? Réponds-moi. Les Mohun. Serge Danet, pour des gens de notre génération, il est vrai que, pour nous qui avons été cinéphiles, le sommes-nous encore, il est vrai que Moonfleet a été... un étendard, enfin, c'était vraiment... on était capable, sachant que Moonfleet repassait dans un quartier tout à fait perdu, on avait mis les pieds à Paris ou à 50 kilomètres dans un ciné-club présenté par quelqu'un qu'on connaissait ou connaissait pas, on était capable d'y aller. C'était vraiment un des films, je crois, emblématiques. aujourd'hui, où la cinéphilie a du plomb dans l'aile, où on a plutôt l'occasion de lire des textes de type critique universitaire sur le cinéma ou de type uniquement informatif sur le cinéma, où la sublimation que nous apportions à un film comme Moonfleet existe moins, il ne reste que, sur une génération précise, Moonfleet reste le lieu de rendez-vous. Des gens tout à fait différents, de goût, d'habitude, d'idéologie, de trajet personnel. Si le cinéma a traversé leur vie à un moment, ils se réunissent sur un film comme Moonfleet. Alors, comment vous, en tant que... je ne sais pas comment vous définir, en tant que, pas journaliste, enfin quelqu'un qui réfléchit sur des faits de société, qui aime les traduire et les donner, et qui aime aussi parler du passé, des zones d'ombre, des zones... Comment, pour vous, aujourd'hui, Serge Denis, Moonfleet apparaît dans votre souvenir et dans la réalité? Oui, moi, Moonfleet, c'était d'abord un film qui est sorti un peu en catimini, dont les Cahiers du cinéma disaient le plus grand bien. Douchet avait fait un article très impressionnant. Mais c'était très pieux, c'est-à-dire c'était les cahiers disent du bien des films américains de Fritz Lang. Donc on est pour les cahiers, donc on va les voir et on est très... on est plutôt des bons élèves. Et puis... mais c'était pas ce film-là particulièrement. C'était aussi bien Le tombeau hindou, Invraisemblable vérité, enfin tous les films tardifs de Lang qui étaient mal vus par la critique officielle. Et puis c'est très très graduellement, moi, que Moonfleet est devenu un objet un peu à part. Je crois que c'est... Un ovni. Un ovni, voilà. C'est un film qui est petit à petit devenu... on l'a enlevé à la période américaine de Lang. On l'a enlevé même à l'œuvre de Fritz Lang en général. On l'a même un peu enlevé au cinéma américain. On l'a enlevé à la MGM. On l'a enlevé à la MGM. Alors que... les acteurs qui ont joué dans ce film n'ont pas fait des carrières extraordinaires par ailleurs, à part Sanders. Donc il y a une sorte de... Oui, mais il y a une sorte d'adéquation... une seule fois, le petit garçon, je ne sais pas ce qu'il est devenu après, donc il y a quelque chose d'ovnique. Simplement, si j'étais complètement honnête, je dirais que moi, maintenant, j'ai trouvé le film qui va encore plus loin que Moonfleet, c'est la Nuit du chasseur. Mmh. Et je dis ces films-là parce que y a des enfants dans les deux films, il y a des petits garçons, et je crois que l'essence même de notre cinéphilie des années 50, 60, 70, c'était plus ou moins sublimé, quand même assez homosexuel, et que non, c'est très important, puisque le petit garçon de Moonfleet, c'est un des plus beaux petits personnages de quelqu'un qui devient prématurément une grande personne et qui garde en même temps une sorte de fraîcheur d'enfant. Le film est beaucoup moins démoniaque, compliqué, génial, disons, que La Nuit du chasseur. Il est plus pur, enfin, il est plus innocent, en un sens. Et c'est important d'avoir effectivement comme une sorte de trésor commun... ce film qui n'est pas du tout un film pervers, qui est un film très très moral, comme toutes les choses faites par Lang à l'époque, mais où il y a ce personnage qui dit cette phrase extraordinaire qu'on a tous en tête, qui est « L'exercice a été profitable, monsieur ». La leçon a été profitable. Qui est peut-être, dans la bouche de cet enfant, quelque chose qui pourrait résumer ce que tu appelais notre cinéphilie, c'est-à-dire il y a finalement 3-4 choses qui restent un peu ovniques, un peu sentimentales, un peu mystérieuses, qui peuvent très bien redevenir obscures ou être de nouveau peu connues, ou au contraire devenir absolument mythologiques, on ne sait pas, mais pour nous c'est un peu le petit garçon qui se dit, qui parle d'égal à égal avec le bon bandit, et qui dit « La leçon a été profitable, monsieur ». Il y a aussi un autre thème, là aussi, qui est très personnel. Je pense que la cinéphilie, ça consistait à adopter une famille de remplacement qui était celle des grands cinéastes et des films, et de se faire adopter par elle. Le film raconte un enfant qui veut être kidnappé. Quel enfant n'a pas voulu être kidnappé? Bon, voilà. Et qui sait que c'est son père et qui joue le jeu comme le père, que ce n'est peut-être pas son vrai père. Voilà. Mais quelqu'un qui choisit. Il y a comme un point, Serge Danet, où je ne suis pas tout à fait... d'accord, c'est que dans ce film, la base de l'innocence, on pourrait dire, pour paraphraser un célèbre psychanalyste, l'innocence, c'est celui qui ne sait pas encore qu'il est coupable. c'est vrai que quand même, l'enfant, dans son innocence, détruit complètement Fox, le tue complètement, l'abîme totalement. Mm-hmm. C'est l'histoire d'une prise de pouvoir, consciente ou inconsciente, et sauvage et dure. Et en même temps, l'autre côté dont vous avez parlé, en effet, c'est qu'il y a tous les signes, je dirais, tous les signes génériques d'une histoire où l'homosexualité jouerait, et elle ne joue jamais. C'est-à-dire que Lang, là-dessus, a une position, lui, extrêmement distante. Et c'est vrai que le fait que rapport père-fils n'est pas de donner la connotation du désir. Et que le film est sans arrêt un film très curieux à cause de tout cela. Je veux dire par là, on peut faire une lecture de ce côté-là. Elle peut fonctionner. On va faire une lecture du côté que c'est un innocent total. Ça peut fonctionner. Et puis on revoit le film et c'est pas vrai. C'est un film qui est un peu comme ces cercles qui sont tout le temps dans le film, comme un herpès qui reviendrait comme ça. À chaque fois qu'on croit avoir saisi ce film, et c'est la force des grands films mythologiques, vous parliez de La Nuit du Chasseur, c'est pareil, on a absolument son contraire qui vous vient dans la gueule. Et là, c'est tout à fait terrifiant, parce que chez Lang, où les organisations travaillent comme des machines, toujours, où le pessimisme est permanent, où le manichéisme existe et après est complètement distordu, mais il existe en point de départ, en pointillé, dans tout Lang. Il y a le bien, il y a le mal, et on joue pour compliquer tout. Là, à chaque fois que l'on croit, vous savez, c'est un peu comme quand on a des pétales de fleurs sur l'eau. On essaie d'attraper un pétale, il s'en va en dessous, on pense qu'il est noyé, on veut aller à un autre, et celui-là, il revient. Et on a ce problème, comme l'herpès, je disais, les serpents qui se mangent les uns les autres. Herpès, on dit serpent. Il y a cette espèce de chose. Si bien que pour les cinéphiles, c'est pour ça que je posais la question par rapport à la cinéphilie, Moonfleet est un film complètement qui se renouvelle sans cesse et qu'on ne peut pas tuer comme on veut tuer la cinéphilie peut-être qu'on a eu en nous. Autrement dit, il y a certains films de Walsh, de Hawks, de Godard, de Becker et tout, qu'on peut adorer, mais avec qui on n'a plus le rapport physique cinéphilique qu'on avait, et que Moonfleet est un de ceux, avec certains films de Mizoguchi peut-être d'ailleurs, où ça demeure. Et ça, il y a un mystère. Oui, enfin, c'est l'enfance, hein. Ça veut dire que vouloir être kidnappé par un film, ou vouloir être kidnappé par un bandit, utiliser le parler vrai, donc finalement, rien qu'un enfant qui parle vrai, ou qui exige qu'on lui parle vrai, et qui a tout le temps l'initiative, car c'est lui qui fait l'histoire, évidemment, les choses qui fonctionnait sur le semblant s'écroule. Donc là, le film a toute une gradation très très belle sur des masques au manque de masques. Mais moi, je crois que toute cinéphilie, en tout cas la nôtre, je ne sais pas s'il y en aura d'autres ou s'il y en a eu avant, etc. Moi, je crois que c'est un commentaire de l'enfance. Et moi, ça me frappe. Si Moonfleet est devenu si ovnique, c'est pas forcément le plus grand film de Lang ou le plus. On peut pas avoir ce rapport avec Metropolis. On peut pas avoir ce rapport avec M. le Maudit. On ne pouvait l'avoir que dans un film mineur, d'après un roman d'aventure célèbre, un film pour enfants, où l'enfance est passée. C'est parce qu'elle nous manque terriblement dans les films actuels qu'on se demande aujourd'hui, disons les gens qui auraient 15-20 ans aujourd'hui, s'ils auraient le même désir de se faire rapter et de choisir. Donc quand je parlais de masculinité, c'était pas du tout, là c'était pas érotique, c'était réellement pervers. Ça veut dire l'enfant choisit celui qui va le kidnapper et lui fait la morale et finalement le tue. Bon, je t'aime, je te tue, c'est un peu ça. Et ça, peut-être que c'est le trésor fondamental de la cinéphilie. Donc on peut pas vivre. Il suffit de 4-5 films, voilà, qui ont ça comme un coffre-fort. Et on sait bien que à génération égale et un peu à histoire intellectuelle égale, on n'a pas beaucoup. C'est un clin d'œil, c'est une sorte de mot de passe. Moonfleet, c'est un film qui graduellement est devenu, oui, cet objet transitionnel. Je sais pas, Benoît Jacquot l'a mis dans un de ses films. Bon, enfin, on voit bien, il a fait venir Jean Douchet, c'est lui qui a écrit l'article que moi j'ai lu quand j'avais 15 ans. Le cercle brisé, je m'en rappelle encore. Donc il y a une sorte de. C'est un film qui a soudé des alliances, puisque c'est un film qui parle de l'alliance, et non pas de la filiation, il parle de l'alliance. Voilà. Et ça, je crois que ces films-là sont inoubliables. Et c'est pas seulement parce qu'on les a aimés quand on était gamin, c'est parce qu'ils parlaient de ça. C'était aussi leur sujet. Alors justement, Serge Danet, on parle de l'enfance. On pourrait même parler que c'est l'imaginaire d'un enfant avec les zones d'ombre, ou le souvenir de l'enfance où l'on peut mélanger des choses qui sont passées à des âges différents, mais qui dans la mémoire sont reliées, et qu'on va dissocier des choses d'âge identique. Par commodité, je prends un exemple. Si à 12 ans on voit un film d'aventure qu'on aime et qu'on découvre en même temps un écrivain adulte et qu'on lit, ça ne nous a pas empêché forcément d'aller jouer dans la cour après avec un petit copain. Donc ce qui veut dire qu'on a toujours tendance un peu à classifier notre enfance ou la déclassifier selon les besoins de la mémoire. Et que le cinéma donne à l'imaginaire cette force extraordinaire d'en faire une tapisserie. Une tapisserie qui se dévore elle-même d'ailleurs, comme c'est le cas du film. Mais ce qui est peut-être plus important dans dans Moonfleet, c'est que, consciemment ou non, Lang, déjà, part d'un point de départ intéressant. C'est un sous, l'île au trésor, qu'on lui propose de tourner. Il prend un personnage, Stewart Granger. Stewart Granger, c'est qui? C'est Scaramouche, c'est le prisonnier Zenda. C'est bon, le héros de Cap et d'Épée, bon. Et il en fait un personnage qui va mourir et tout à fait bouffé par un enfant, le contraire même de l'emblème qu'il représente. Il joue là-dessus. Mais parallèlement à ça, il joue aussi sur l'idée de la matrice. C'est-à-dire que on sait très bien que le cercle chez lui, on le brise, non, il dénonce, on y meurt et on en est. Hein, on vous jette dans le trou. Mais on est par le trou et par le cercle, par le conduit. La scène du puits est tout à fait claire, on ne va pas y revenir. Mais, bizarrement, le film, par quelques ricochets absolument surprenants, par le fait de cette cinéphilie, devient une matrice même. On peut dire qu'avec le temps et la mythologie que l'on a mise, ou qu'elle s'est auto-propulsée en elle-même, c'est un film matrice. C'est vrai que si on interroge les trois quarts des cinéastes qui font un vrai travail aujourd'hui, aussi différents que Benoît Jacquot et Straub, vraiment on ne peut pas prendre des gens aussi différents, Godard ou Spielberg. Bon, Moonfleet est un film qui, malgré tout, est une matrice de quelque chose. Mais oui, c'est un film sur un petit garçon et ça intéresse les petits garçons maternels. Parce que, bon, moi, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans, mais tu as raison de le signaler. C'est un film où il y a une théorie de la naissance. Et c'est une naissance sans femme. Sans femme est morte. C'est un des films les plus misogynes que je connaisse. C'est-à-dire que tous les personnages de femmes, qui sont graduels, de la plus sensuelle qui danse à la plus perverse, qui est Lady Aykroyd, sont des personnages absolument terrifiants, glaçants, et de toute façon impropres au désir, ou sinon à un désir très bestial, que Lang regarde avec beaucoup de mépris, ou à la reproduction. Et c'est vrai que tout l'itinéraire du petit garçon consiste à descendre dans le trou, se confronter avec donc un squelette, lui voler... Bon, alors, ben c'est assez facile à faire, d'ailleurs c'est même pas Lang. Lang lui a donné une forme certainement très très rigoureuse, mais c'est certainement dans le bouquin, parce que c'est des mythologies qui traînent et qui sont... Dans le scénario. Peut-être le scénario. Mais c'est toujours pareil, ça veut dire que tous les cinéastes que tu as cités, ils ont hérité, alors bon, thématiquement, formellement, philosophiquement, du problème que faire de la femme. Ils en ont hérité de ce problème, ils ne l'ont pas du tout résolu. Straub a donné une sorte de résolution métaphorique. Pour lui, c'est la nature, c'est la roche, etc. Il y a très peu de femmes dans les films de Straub. C'est vrai que tous ces gens-là se retrouvent autour de l'énigme d'une homosexualité, finalement, qui s'est bien passée. Ça veut dire qu'il y a eu une sorte de type de filiation amoureuse, de mâle à mâle, avec une grande exigence morale, du parler vrai, etc., qui exclut le passage par le féminin. Je dirais quand même que c'est pas absolument tous les cinéphiles qui ont fait de Moonfleet leur film fétiche ou leur film secret. C'est aussi un truc de sensibilité. C'est aussi que faire du féminin. Le seul personnage féminin qui est effrayant dans Moonfleet, totalement effrayant, c'est la petite fille. Oui, qui est habillée comme une femme. C'est le pire. Qui a l'air d'un lilliputien adulte. C'est le plus glaçant. Voilà. Et en plus, où Lang a été obligé de faire ce plan final où elle est main dans la main avec John Mohun, avec le curé au milieu, plan qui l'a fait forcer et contraint par Osmond. Bon, et évident qu'on oublie toujours ce personnage. Non, moi je ne l'oublie pas, parce que c'est le dernier plan du film. C'est le plus effrayant. Il est glaçant. Parce qu'il est, je ne sais pas qu'il est asexué, c'est qu'il est au-delà. Il est au-delà. Alors que lui, Fox, plus le film avance, plus la puissance du sexe par rapport à la femme disparaît. Plus il délègue, plus ça devient une mémoire. Ce qui est annoncé quand il brise le cercle, que l'aveugle, enfin celle qui a le bandeau l'embrasse, il lui dit quelle bonne mémoire ma chère. Après il va donner ses hommages sexuels à Lady Ashwood parce que ça lui permet de faire ses affaires, aller vers une autre jouissance. Mais il y a cette espèce de rejet. Mais par contre, l'amour vers l'enfant vient, parce que c'est son fils, ça, moi, on n'en est mort pas, c'est évident, c'est dit, c'est inscrit. L'amour de l'enfant vient du désir de pouvoir redevenir une idée de la fin de l'enfance, qu'est l'adolescence et son aventure avec la mère de cet enfant. Et donc, c'est vraiment à chaque fois qu'on va vers le passé, et ça, c'est dans toute langue, qu'on veut aller vers son enfance et tout, on va vers la mort. Bien sûr, parce on va vers la destruction. Langue, on serait en vagine. Il n'y a pas de. Et vers le néant. il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a simplement des passages très très difficiles. Il y en a dans le tombeau à nous, mais là c'est une femme qui fait l'expérience, de repasser par une fosse, de repasser par une matrice, et d'en sortir plus fort, d'en sortir indemne et plus fort. Mais ce sont les seuls passages vers le passé. Ce sont des initiations quasiment, presque quasiment conscientes. Le fait que Moonfleet, c'est un peu un tour de passe-passe, enfin, c'est la définition même de la perversion. C'est « tu serais mon père » et au fond ça tombe bien parce que tu l'es vraiment. Mmh. Bon, Mais c'est pas toi, papa, qui actionne le levier pour que je descende dans le puits. C'est le type du puits que tu obliges à faire actionner le levier. Oui, c'est ça. Bon, il y a toujours, faut toujours un intermédiaire pour justifier que tu n'es pas dans le piège. Et quand il n'y a plus d'intermédiaire, eh bien Fox meurt. Tu es prêt ? Oui, monsieur. Allez, monte là-dedans. Qu'est-il, monsieur l'officier ? Qui êtes-vous ? Mais je suis le gardien. Ah, vous êtes le gardien. Et c'est vous qui osez me demander ce qu'il y a. N'avez-vous jamais vendu de l'eau, prisonnier ? Mais c'est une calomnie. Qui vous a dit cela ? Vous vendez de l'eau, prisonnier, et vous cachez l'argent dans ce puits. Je meurs à l'instant si j'ai fait un jour une telle horreur. Oui, à votre place, je n'oserais pas tenter la providence. Monsieur Fox ! Monsieur Fox ! Quoi ? Qui est-ce ? Que fait-il là-dedans ? Il prouve votre innocence, si toutefois vous êtes innocent. Petit ! Oui, Major ! Poursuis tes recherches ! Oui, Major ! Descendez le plus bas. C'est un souvenir de guerre que vous avez là. C'est vrai, j'en ai fait eu l'honneur de servir en France. En tout cas, cette blessure est trop récente, mon ami. Vous ne l'avez pas eu dans une bataille. Le 10e régiment d'infanterie légère est en garnison à Hollisbrook depuis 6 ans. Vous allez lâcher ce frein ? C'est un ordre. Le jeu est terminé. Allez, passez-moi ce que vous avez trouvé ou je lâche tout. Donne-moi ça. Alors sur la figure de la mise en scène proprement dit, il faut dire que sur la plasticité du film, ça veut dire, là, il est vrai que c'est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Je veux dire, là, on ne parle pas du thème et tout, on parle de la plasticité simple. Il est évident que, que l'utilisation du scope, lui qui n'aimait pas le scope, langue, ben, mon vieux, pour quelqu'un qui ne l'aime pas, bravo. Sur le découpage, sur les plans, je pense à cette séquence tout à fait... ces rapports de séquence, moi j'appelle la séquence des mains. C'est lorsque Granger, la main blessée sur la margelle du puits, que l'enfant essaie avec la main d'attraper la brique derrière laquelle il y a le diamant, que l'autre avec les mains fait bouger le truc, regarde les mains, ce jeu des mains, mais dans un plan général, pas en plan de coupe, justement, fait que toute la séquence devient cette espèce de possession, pas possession, de prendre le trésor ou pas. Ou alors, la séquence qu'on pourrait dire des épaules, mais qui n'est pas une séquence, qui sont les épaules plusieurs fois dans le film. La façon dont la chemise est baissée avec les marques des chiens qu'il relève, la façon dont il va être de dos de la même manière à la fin, en regardant vers la mer quand il est blessé, avant de décider de partir. Et pour arriver à cette espèce de jeu de ballet, et là il y a une anecdote entre cinéphiles, on peut se souvenir, Serge, c'est que quand Stewart Granger descend, se bat avec le cocher, la somme que George Saunders lui lance son épée dans le dos, et que là, Granger tombe à genoux et, dans le même plan, se retourne avec le revolver et tire sur Saunders qui tombe et que la voiture s'en va et va rouler à vide. Bon. Il est vrai que ce film, au fur et à mesure qu'il prenait sa force mythologique chez les cinéphiles, au début qu'on voyait ce film, la Cinémathèque, vers 1962-63, tout le monde riait, beaucoup de gens riaient de voir ce plan tarabiscoté. Et il y avait un ou deux types qui disaient « chut ». Et puis, dans les années 70, quand ça passait au studio Action, il y avait un type qui riait, toute la salle faisait « chut ». Et c'est le même plan, qui est à la fois grotesque et sublime. Oui. Et là, je crois que cette force ovnique du film, et il y a peu de films où on peut parler comme ça. Oui, oui, mais on pourrait effectivement définir les films, ces films ovniques qui sont très liés à l'enfance et qui sont incontournables, par une scène comme celle que tu racontes. C'est-à-dire, il y a une scène d'action qui n'est pas en soi extraordinaire, simplement, elle est filmée avec une sorte de raccourci étrange qui fait qu'on ne l'a jamais vue avant et on ne se rend pas compte qu'on ne la verra plus jamais après. Mais elle se grave telle qu'elle est. Donc c'est ce mouvement tout à fait étonnant qui nous fait beaucoup d'effet parce que... Il y en a un qui a deux choses qu'on ne fait pas dans les films d'action, c'est passer l'épée, sa canne d'épée à quelqu'un dans le dos et tuer quelqu'un à bout portant. C'est deux choses qu'on a fait que dans le cinéma ultra violent, pervers. Donc il y a deux éléments du code du film d'aventure, du film d'action, etc., qui... tout d'un coup, sont emboîtés l'un dans l'autre et qui sont tranquillement niés. Et théâtralisés frontalement. Et théâtralisés, parce que c'est un seul plan, et ça se passe à une vitesse folle. Et donc là, on a évidemment la preuve que Lang, à ce moment-là, n'est pas un cinéaste américain, que c'est un cinéaste à la fois plus ancien, c'est-à-dire que c'est un cinéaste allemand, qui va directement à l'essentiel, et puis que c'est également un cinéaste plus moderne, puisque ce qu'il donne pendant deux secondes, c'est ce que certains Américains plus tard font, enfin non, au même moment comme Fuller, c'est pendant deux secondes le sentiment du fait divers absolu, c'est-à-dire de la chose, mais bon, sentiment, disons qu'on l'avait plus dans le cinéma européen, et c'est le cinéma européen qui l'a développé. Mais si on a tellement aimé Lang au Cahier jaune et nous à leur suite, c'est bien parce que cette image comme celle que tu racontes, sans tellement crier gare, comme ça, se grave comme quelque chose... que c'est comme ça que ça devrait être. C'est-à-dire que le cinéma américain, le cinéma très codé, de genre, justement Le Prisonnier de Zanda, Scaramouche, les films avec Stewart Granger, qui sont très bien, qui sont très codés, ils sont prisonniers de leur genre, ils sont incapables de faire cette opération très simple, disant ça va plus vite, d'abord, c'est une économie de temps, c'est une économie de cadre, c'est une économie de plan, et c'est certainement plus vrai. Mais quelle vérité? La vérité fondamentale du cinéma, qui est que on doit même comprendre... comment le fait divers, c'est-à-dire le truc le plus branque, le plus baroque, la façon dont ça arrive, on doit quand même comprendre comment il arrive au moment où il arrive. Et là, Lang est un cinéaste, là il n'est pas américain, là c'est un grand cinéaste moderne. Ce qui est plus fou, c'est qu'on se dit, c'est comme ça qu'il faudrait filmer, à la limite on peut dire que c'est le genre de plan qui donne envie de faire des films, et quand on est sur le plateau qu'on doit filmer, on se rend compte qu'on ne peut pas le faire. Je veux dire qu'on ne peut que l'imiter, que le copier totalement, on ne peut pas. C'est Claude Chabrol un jour qui a dit, quand j'ai un plan compliqué à faire, je peux penser à comment Hitchcock a fait et, disons, faire pareil ou l'imiter, ou le décalquer, ou le démarquer. Mais il dit, mais langue, on peut pas. Langue, on peut pas, parce que là, on est obligé de faire exactement la même chose, et ça ne fonctionne pas, forcément. Voilà, faudrait que ce soit vraiment refilmer langue, du début à la fin, plan par plan, image par image, acteur par acteur. Bon, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de mystère qui fait que lui, il peut avoir un plan aussi, j'allais dire, synthétique, BD presque, théâtralisé que ce plan de la double mort des deux personnages, à bout portant et le coup d'épée dans le dos, dans un seul plan, mais que ça nous donnera peut-être envie de faire du cinéma, mais jamais ce plan pourra nous servir à faire du cinéma. Oui, parce que ce sera la causa mentale. C'est ça, parce que c'est ce genre de rencontre avec le réel, au-delà des conventions, au-delà de tout ce qui est vraisemblable ou du probable, il y a des moments comme ça d'affleurement du réel. Donc, je dis ça fait divers parce que les gens peuvent comprendre ce que c'est que d'être surpris par ce qui se passe, à quoi on assiste absolument. Quand il y a un fait divers, les gens disent toujours « c'est passé tellement vite, j'ai rien vu », etc. Bon, c'est ça que certains grands cinéastes, peut-être Lang plus que les autres, a réussi à capter des fois. C'est peut-être ça que des cinéastes qui admireraient Lang essaieraient de vouloir reproduire in vitro. En plus, Chabrol est un de ceux qui peut le faire des fois, car Chabrol réussit des effets comme ça, parce que lui aussi s'intéresse aux faits divers, c'est aussi bête que ça. Alors qu'Hitchcock partait d'autre chose. Enfin, lui, c'est pas du tout le fait divers. C'est une sorte de maelstrom analytique, c'est tout à fait autre chose. Alors ça, c'est vraiment une question de fond qui nous mènerait très très loin. C'est est-ce qu'on a besoin aujourd'hui plus de gens qui ont emmagasiné un trésor de savoir-faire communicable, et Hitchcock est certainement le cinéaste le plus communicable, un peu grâce à Truffaut, grâce à beaucoup de gens. Il y a des choses qu'on peut prendre chez Hitchcock, on peut comprendre sur le fonctionnement réel des films, et puis il y a des cinéastes qui simplement alors seraient plus moralistes, plus éthiques en tout cas, qui diraient le cinéma ne vaut pas le coup si on ne peut pas produire ça. Sauf que ce ça que Lang produisait dans le cadre de la MGM dans les années 50, on ne peut pas le refaire in vitro, il faudrait en trouver aujourd'hui l'équivalent. Mais c'est une exigence. Lang, c'est toujours une exigence. D'ailleurs, le petit garçon de Moonfleet, il a une exigence. Voilà. Le seul cinéaste qui a pensé, je ne sais pas s'il a réussi, une équivalence de ce plan dont on parle, qui est très important, parce que c'est quand même un des plans les plus étonnants du film, c'est Godard dans Sauf qui peut la vie, quand il essaye, non pas des ralentis, mais des ralentis de type système vidéo, image par image, sur des faits comme la violence qu'il y a sur le quai, des choses comme ça, où brusquement il ralentit, mais pas le ralenti à l'américaine, il ralentit et que ça nous paraît non pas lent, mais très rapide en fait, et toutes les informations sont là brusquement. Ou ce qu'il disait sur Jean-Pierre Léo, comment il l'a fait jouer dans Détective, que photogramme par photogramme, c'était autre chose qui passait. La même chose, le synthétique, mais comment? Mais lui, où Godard est intelligent, c'est qu'il prend par les formes de structure et de récit et de médias, support qu'il y a pour le faire maintenant, il n'essaie pas de reconstituer un plan comme Lang. C'est la différence. Alors que des cinéastes tout à fait intéressants, comme Benoît Jacquot, Téchiné, tout ça et tout, bon, sont entre les deux. Ne savent pas encore de quel côté aller pour trouver l'équivalence. Oui, mais c'est aussi que, disons, Godard, pour rester avec le fait divers, c'est quelqu'un qui, depuis toujours, essaie de s'approcher de ce qu'on a réussi par voir lorsque l'information s'est un petit peu raffinée. Par exemple, je me rappelle l'attentat contre le pape. Et il y avait une image du pape au moment où il recevait un impact de balle. Et il avait un sourire extatique, idiot, sur le visage. Beaucoup de journaux n'ont pas osé montrer cette photo puisqu'elle ne correspondait pas à l'idée, le pape. Donc c'était pas quelqu'un se tortille des heures en disant j'ai mal, et on dit oui, c'est ça, quelqu'un qui reçoit une balle, c'est ça. Tout le monde sait mieux maintenant, grâce à des cinéastes, grâce après à la télé, grâce aux médias, le côté, alors barthésien, le côté troisième sens, parce que Barthes justement le traquait chez Eisenstein, mais lui le faisait exprès. Et Godard, il est obligé de ralentir pour faire toujours une leçon de choses en disant voilà. En dernière analyse, le moment présent, et c'est pas seulement trivial, c'est pas seulement trop rapide, il faut le ralentir pour voir que quelque chose d'autre là-dedans est très rapide, mais qui n'est pas ce qu'on croit. Et puis on peut rien en faire, parce que cette image, à l'époque de la publicité triomphante, elle ne fonctionne pas comme un emblème, puisqu'elle dit que le corps humain n'en sait rien, puisque 1/24e image de seconde n'en sait rien. Mais on peut dire quand même que Godard le fait d'une façon un peu volontariste et courageuse, et comme tout ce qu'il fait, et un peu, des fois, même un peu laborieux, des fois. Et si Moonfleet nous tient beaucoup à cœur, ou ce genre d'effet produit à Moonfleet, c'est parce que ça se produisait avec une certaine facilité, sous la dans la totale ignorance du système hollywoodien qui en même temps protégeait et permettait ce film. C'est que je crois qu'il fallait qu'il y ait un système de fiction, d'adhésion des gens à des codes, à des acteurs, qui permettait de gagner du temps. Parce que lorsqu'il y a Stuart Granger au générique, à l'époque c'était quand même quelqu'un de très connu, ben on se dit pas est-ce que le personnage existe, comment on va le construire, on se pose pas les questions que Godard se pose pour lui défaire une star. Jamais aussi élégant dans ce film. Voilà. On se dit, bon, c'est Stuart Granger, ok, quel est l'autre élément pour faire la cuisine? On les connaît tous. Et donc, ça crée une accélération, et cette accélération a créé des effets d'écriture que nous, on connaît bien, parce qu'on en vient. Mais aujourd'hui, on ne peut pas les produire, puisque oui, le matériel de base n'est pas connu. Oui, mais c'est... en plus, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Lang, quand il fait Moonfleet, il a la star Stuart Granger, mais qui est une star inféodée au studio, qui n'est pas une star qui lutte contre le studio, qui veut son indépendance. Donc, à partir du moment où il a signé le contrat avec Osman et Lang, c'est Lang qui réalise, Lang peut se permettre tout ce qu'il veut au niveau écriture, chorégraphie, graphisme, architecture de mise en scène, et que même si Stuart Granger n'est pas d'accord, sur ce terrain-là, il ne se battra pas. Il se battra peut-être sur la psychologie du personnage, il se battra peut-être sur des choses qu'un cascadeur pourrait faire mieux que lui, mais il ne se battra pas là-dessus. Et c'est pour ça que peut-être le secret de ce cinéma-là était là. C'était que le star system, oui, mais pas la star disant « je me mêle de la... » C'est pas, si on n'aurait pas dit, Monsieur Lang, je suis désolé, j'ai pas assez de gros plans. Alors qu'aujourd'hui, on sait que Fritz Lang vivant encore, tournant malgré tout ce qu'il est, sauf s'il est le producteur de son film, le maître absolu. Mais l'acteur dira, dites donc, j'ai pas assez de gros plans. Bien sûr, dire que tout ce qu'on dit sur Moonfleet, on pourrait le dire sur tous les films tardifs de Lang. Là, au fond, l'acteur qu'on aime le plus dans le cinéma américain, c'est Donna Andrews. Parce qu'il a été, un peu par hasard, dans un nombre étonnant de grands films. Turner. Donna Andrews est un acteur limité, en même temps un type totalement inoubliable, et qui n'a pas dû beaucoup entraver la précision du travail artisanal des cinéastes. Et il fallait donc un star system pour qu'il y ait des stars de second rang, qui étaient quand même suffisamment connus, donc qui assuraient un matelas imaginaire, et à partir desquels on pouvait travailler. C'est-à-dire aujourd'hui, on aurait quelques stars qui durent ce que durent les Roses, qui sont très très vite renvoyées sur les Roses d'ailleurs. En tout cas, ça ne marche pas très longtemps. Y compris star metteur en scène. Oui, oui. On n'a pas de star second couteau, et on n'a même plus de figurant. Donc c'est pour ça que tout ce dont on parle sur Lang est vrai au niveau de la visée, je dirais quasiment philosophique, éthique. Ça ne peut plus se reproduire, parce que c'est comme un plat qu'on peut encore goûter dans son souvenir, quand on le revoit, et la recette est perdue, parce qu'on ne trouve plus au marché. Voilà. On peut même dire que la force de Moonfleet, en dehors de notre amour pour le film, pour la cinéphilie, ce qu'on a défini, c'est aussi qu'en 1955, Maître Govin Meyer, un cinéaste comme Fritz Lang, un producteur John Huseman, une confiture incroyable dans laquelle il ne croit pas vraiment, mais dont sort un joyau, un diamant, on trouve dans le puits, dans le noir, on n'est pas loin, c'est une métaphore du sujet, et que finalement, c'est peut-être le dernier des films comme ça qui pourra exister à Hollywood. Oui, d'ailleurs, qu'on pense que La Nuit des Chasseurs est fait à la même époque. Et c'est des films absolument ovniques. À moins de ceux qui deviennent producteurs, réalisateurs, acteurs, comme Jerry Lewis, ou comme Ford, qui est producteur de ses propres films, ou Hitchcock, à moins ceux qui ont également le pouvoir total ailleurs, enfin, complet. Ceux qui n'ont pas le pouvoir complet, mais qui se réunissent pour faire un film par rapport à un studio, ne réussiront plus jamais cette cristallisation. Oui, mais c'est ce que le vieux Lang dit dans Le Mépris de Godard, quand il dit « il faut souffrir ». Jean Doucet. Pour moi, ça, c'est plutôt, tel que regarde Fritz Lang, c'est la trajectoire inexorable de l'existence. Enfin, on commence par l'enfance et on termine par la vieillesse. C'est entre l'enfance qui est complètement, non pas innocente, mais qui imagine le monde dans toutes ses possibilités de beauté, de bien, etc. Peu à peu, le réalisme s'infiltre. Et à la fin, c'est le cynisme et même la cruauté qui l'emporte. Et une sorte de rejet total de la vision de l'enfance. Mais comme la mère, si cela a toujours été comme cela à ce jour, si cette espèce de trajectoire ne peut pas cesser, il n'empêche que, comme la mer, il y a toujours de nouvelles vagues, il y a toujours de nouvelles marées, et après tout, cet enfant, peut-être, a aussi une chance de changer quelque chose dans le monde. Mais il est évident que, pour Fritz Lang, cette immense espérance, disons, de son fond romantique est terriblement atténuée par son plus grand sens pessimiste de la réalité. De toute façon, la figure mère, pour reprendre l'expression de Romère, la figure mère, c'est le cercle. Donc, les personnages, enfin, dès qu'il y a des personnages, on a une cavalcade, les personnages la font en arc, en cercle. Oui, on danse en tournant sur le sol. On danse sur soi-même. On se bat avec une hallebarde qui fait des ronds. On va dans un puits. On se tourne en mourant pendant que quelqu'un vous tire dans le dos. On se tourne pour le tuer à son tour. La figure de la lune même, le cercle lunaire. Le cercle lunaire, le cercle aussi de l'enfermement en soi. Comme toujours chez Lang, où le cercle est une des figures clés de toute son œuvre, elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle est à la fois figure d'étranglement, d'enserrement, d'étouffement, bref, donc de mort, mais aussi le cercle, c'est par quoi il faut passer, donc c'est aussi le lieu de la naissance, la figure de la naissance, et de ce point de vue, bon, Lang ne fait que reprendre une bonne vieille idée métaphysique et poétique qui est qu'il faut passer par la mort pour naître. D'où la scène du puits. D'où la scène du puits, mais je veux dire que ça, c'est une idée générale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il la filme, cette idée. Mmh. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça devient concret. Ça ne devient pas du tout une belle idée de décoration. Le décor est effectif ici, il n'est pas de l'ordre de la poudre aux yeux. Mmh. Bon, je crois qu'un très grand cinéaste travaille une double mise en scène. La mise en scène apparente, celle qui raconte l'histoire, bon, parce qu'il faut bien que l'intrigue soit là, sinon il n'y a pas de film. Et puis le vrai sujet du film qui est en train de tourner. Or, le vrai sujet n'est pas que l'enfant ait peur. L'enfant est dans l'existence. L'existence est tellement une angoisse qu'on s'y habitue. Et l'enfant est habitué à l'angoisse. Donc, c'est un enfant qui traverse l'univers de la peur et qui donc crée chez le spectateur la sensation de peur, mais lui n'a pas à avoir peur. Car il est, en fin de compte, tout à fait à l'intérieur même du système. Ce qui est terrible dans ce film, c'est justement ce personnage de l'enfant qui, en aucun cas, ne peut, enfin, dont l'innocence dit comme telle, enfin, ce qu'on nomme l'innocence, il faut encore en discuter, et Lang en discuterait, mais enfin, ce qu'on nomme l'innocence est d'emblée criminel, ce qui est, c'est pour ça que c'est un des films les plus à la fois beaux de Fritz Lang, parce qu'en même temps, quel plaisir, quelle chaleur, quelle sensualité en plus dans le film, mais aussi, qu'est-ce que c'est terrifiant sur l'esprit, enfin, quand on y réfléchit, c'est un film, on se dit, bah, il n'y a rien à faire, quoi. Tirons le rideau. Et du mensonge, tout comme des mécréants ou des sauvages. Un homme qui est mort depuis fort longtemps, un homme à qui vous avez donné le nom de Barberousse, règne sur vos âmes. Vous lui attribuez le pouvoir surnaturel de vie ou de mort. Sir John Mahone, celui que vous surnommez Barberousse, fut un officier de Sa Majesté. Il a trahi un serment secret, trahi son roi pour un diamant de grand prix. Il est mort à Holzbrook, il était devenu fou. En mourant, il perdit le bénéfice de ce trésor mal acquis. Aujourd'hui, je vous le dis, il est incroyable en vérité que cet homme-là puisse venir défier impunément la loi divine et déshonorer le lieu sacré où reposent ceux qui sont morts en bons chrétiens. Amen. Monsieur le pasteur, mais si Barberousse n'y est pour rien, alors qui a tué Cracky John l'hiver dernier? Et à présent, Nat Greening, qui l'a enlevé? Silence! Madame Clark, et vous aussi, Ratser, à plus forte raison. Lorsque j'ai demandé que l'on recherche notre pauvre ami Nathaniel Greening quand il a disparu, on m'a dit que cela ne mènerait à rien, qu'on l'avait vu pour la dernière fois au cimetière après le coucher du soleil, et que Barberousse lui avait fait subir une fin épouvantable. Je vous dis que c'est un blasphème. Et je vous dis que si vous persistez dans vos croyances païennes, vous bafouerez notre Seigneur dans son Église, et que cela ne vous sera point pardonné, ni sur cette terre, ni dans l'au-delà. Qui est là? C'est moi, monsieur. John Mahone. Ah, le fils d'Olivia Mahone. J'avais un faible pour ta mère. Je l'aimais beaucoup. Te voir dans mon église aujourd'hui est un grand réconfort pour moi. En ce jour de grande colère. Monsieur Glennie, savez-vous ce qu'est devenu le diamant? Le diamant qui lui a coûté son honneur. Ce secret est enfoui avec Sir John. Et il en est peut-être mieux ainsi. Mais si je le trouvais, monsieur, il deviendrait ma propriété. Ah, tu es bien jeune, mais pourtant tu recherches déjà les biens terrestres. Mais si j'en faisais bon usage aussi? Si tu le retrouves, tu réussiras là où des générations ont échoué. Regarde, mon garçon, nous allons être plongés dans l'obscurité première dans un instant. Tu n'as pas peur de traverser le cimetière tout seul, n'est-ce pas? Non, monsieur. Attends. Prends cette lanterne. Je te la laisse jusqu'à demain. Je serai heureux de m'entretenir à nouveau avec toi. Merci, monsieur. Bonsoir, mon fils. Dieu te bénisse. Bonsoir, monsieur. Michel Cazenave, John Mahone, un rapport avec la lumière extrêmement curieux dans ce film. Je vais prendre trois séquences. La première fois, tu n'as pas peur de traverser le cimetière sans rien. Tiens, tu me ramèneras cette lanterne. C'est pas une lanterne comme les lanternes normales. C'est une lanterne dont on peut cacher la lumière. Et quand il tombe dans le trou et qu'il a fait tomber, comme par hasard, au moment où il trouve le premier aimant vers la jouissance, uniquement la jouissance, c'est-à-dire qui va conduire au diamant, et il fait tomber le cercueil. Il se cache après ce que le cordonnier arrive et hop, il joue de la lumière et de la non-lumière, vu qu'immédiatement on a ce plan magnifique où il ferme la lucarne. Il souffle pas la bougie, il la ferme. Donc, maître de lumière. Deuxième moment où il est maître de la lumière d'une manière tout à fait imparable, et c'est un plan d'un invraisemblable total, c'est quand il descend dans ce puits où personne n'a descendu depuis au moins 100 ans. Quand il arrive au niveau où il y a la pierre marquée du sceau des Mohunes et les diamants est caché, il y a des bougies allumées autour de lui. Comme si, puisqu'il était là, les bougies allumées étaient autour. Et à la fin du film, quand la seule lumière vers laquelle peut aller Fox, c'est la lune, il s'en va, lui, il y a la maison qui lui est dédiée, puis le diamant, sous cette espèce de petite bougie qui vacille, qui est toujours la même, alors que si on regarde un petit peu toute la séquence finale, c'est la même bougie depuis 5 ou 6 heures. Comme si le temps et la lumière s'arrêtaient autour de lui, comme cela. Donc il a ce pouvoir occulte de la lumière, et il ne le sait pas par son innocence. Mais un innocent, c'est un coupable qui s'ignore. Et là, il y a un jeu intéressant. Alors que l'étincelant de Fox, ses chemises blanches, tout ça et tout, c'est quelqu'un qui, au contraire, a un rapport très très curieux avec l'obscurité, il n'arrête pas de regarder la nuit. Oui, mais c'est là, je dirais, qu'il y a quelque chose qui, à travers l'image, est dit de ce qu'à la limite, en fin de compte, on pourrait appeler une certaine vision du monde. oui. Et une certaine vision de la vie, en fin de compte, du destin. Parce que, effectivement, apparemment, c'est vrai que Fox, vous parlez des chemises blanches qu'il porte, de la lumière de la lune, qui d'une certaine manière est une lumière blanche, pas une lumière jaune. Justement, des pourpoints dorés, mais dorés à la limite du blanc qu'il porte sur ses chemises. Exactement, parce qu'en réalité, c'est le blanc. Or, je dirais que ça, pour quelqu'un qui est habitué à ce qu'on appelle, en fin de compte, la psychologie des profondeurs, on sait très bien que le blanc, souvent, n'est pas la vraie, véritable lumière. C'est-à-dire que, en fait, ce que l'on voit, c'est que par rapport à la vraie lumière qui est la lumière du soleil, bon, ou l'équivalent symbolique, on peut dire, dans ce film, qui est en effet, par exemple, la bougie qui va toujours avec l'enfant, bon, qui est, je dirais, un soleil miniature, en quelque sorte, qui porte avec lui-même. C'est que devant cette lumière jaune, pour aller vite, la lumière blanche, c'est ce qu'on appelle, et ça, alors là, on pourrait s'appuyer sur des travaux très savants, la lumière blanche représente ce qu'on peut appeler un soleil noir. C'est-à-dire une inversion, justement, de la lumière. C'est ça, parce que le blanc n'existe pas. Non, mais exactement. C'est la lumière, mais c'est la lumière, à strictement parler, c'est la lumière de Lucifer. Oui. Qui lui-même veut dire le porteur de lumière. Absolument. Seulement, de quelle lumière? Absolument. C'est la lumière qui sourd, en quelque sorte, de l'enfer. C'est la lumière de la pourriture, de la décomposition, de l'anéantissement, de l'annihilation de l'âme. C'est ce que les drogués appellent le flash. Non, mais absolument. Absolument. Alors que l'enfant, vous dites, l'enfant, bon, l'innocence, c'est toujours un coupable qui s'ignore. Bon, bien entendu, du point de vue existentiel, du point de vue humain. Vous savez, Michel Gazin, c'est pas moi qui ai inventé ça. Non, je crois que ça ne peut pas se discuter. Et ce qui est intéressant, c'est que cette lumière de l'enfant n'est pas liée à son innocence en tant que ce serait une innocence existentielle, que ce serait une innocence qui porte lui, mais que c'est bien une innocence au-delà de sa propre vie. C'est quelque chose qui lui est, vous dites, bon, par exemple, il descend dans le puits, il trouve des bougies allumées. Bon, nous sommes en dehors de tout réalisme. Absolument. Parce que c'est strictement impossible. Pourtant, on l'accepte. Bien, pourtant, on l'accepte. Pourquoi? Attention, oui. L'angle raccorde immédiatement sur le moment où l'homme qui fait actionner le puits remarque la main blessée et bandée de blanc de Fox qui est dans la posture de se faire passer pour un major. C'est-à-dire qu'il y a celui qui peut tout faire parce qu'il a ses lumières et il y a celui qui doit masquer, jouer sans arrêt et qui ira vers sa mort. Qui oui, lui ne peut pas tout faire. C'est que Lucifer a été ôté de son paradis par peut-être le vrai diable. Mais le vrai diable inconscient. Mais là, on aurait là, un rapport. Diable, ou ange exterminateur, ou ange de la nuit. Et que, à chaque fois, il est révélateur des choses. Mais lui, il traverse tout. Cet enfant passe à travers tout. Lui, il arrive jamais rien à cet enfant. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je veux dire que la lumière, bizarrement, seront toujours en même temps des lumières artificielles. Toujours. Mais en même temps, ce sont les lumières jaunes, je le dis bien, en tant qu'équivalent quand même d'une certaine lumière solaire. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a, au-delà de son innocence, je dirais, d'enfant, mais qui est une innocence par défaut parce qu'il n'a pas encore connu les vices de la vie. C'est, je dirais, il y a une innocence d'au-delà même du fait qu'il est là dans le monde, une innocence qui n'est pas simplement l'innocence enfantine, qui est ce que j'appellerais, quant à moi, quasiment une innocence métaphysique, qui l'entoure, dont il est le symbole, et dont le problème sera de savoir si, d'une certaine manière, justement, il saura être, je ne dirais pas la hauteur, mais il s'y saura en être véritablement le vecteur. Mais alors, attendez, Michel, il y a une chose importante, c'est que il faut tout de suite savoir que le dernier plan du film, à la lumière de la maison retrouvée, est un plan qui a été imposé par Fritz Lang, qui ne voulait pas tourner, qui ne l'intéressait pas. Pour lui, le film finissait par l'enfant regardant la nuit par la fenêtre et Fox disparaissant dans la mer noirâtre, sur son île, avec une lune au-dessus. Bon. Et le premier plan, le premier plan du film, c'est l'enfant sortant de l'obscurité, venant d'on ne sait où, et disant « Moon, lune, fleet », la flotte ou le flux de la lune. Bon. Je ne dis pas que Lang veut dire ça, mais c'est vrai que l'on pourrait imaginer que l'œuvre, tout le film commence par quelqu'un envoyé des ténèbres. Je ne dis pas de l'enfer, hein, des ténèbres. Pour essayer de trouver quelque chose ou quelqu'un. Et que finalement, lorsqu'il a trouvé ce quelque chose et quelqu'un qui n'est autre que lui-même et sa vérité et son véritable pouvoir, et si on prend la réalité, c'est en effet un mot une, comme Barberousse, de rejeter dans la nuit le pauvre ange Lucifer qui est venu l'aider. Oui. Vu qu'à le seul moment où l'enfant risque d'avoir des problèmes, ça n'arrive qu'une fois, lui, des problèmes au-delà des gens, mais qui ne peuvent pas le tuer tout de suite et tout, parce qu'il est trop proche d'eux, quand il est prisonnier de ceux qui ont mis le couteau derrière le dos, tout ça, il ne risque pas la mort, contrairement à ce qu'ils disent, parce que si on est réaliste, il l'aurait tué depuis longtemps. Non, mais bien mais sûr. Il est trop proche d'eux. Bien sûr. Par contre, quand les soldats et tout le monde lui courent après dans le fort, là, l'ange Lucifer, qui va s'évader avec la jouissance et le diamant, revient et l'emmène parce qu'il est à son service. De même qu'il reviendra vers lui parce qu'il est à son service. En dehors, ça c'est l'analyse si l'on part dans l'occultisme. Hein. Maintenant, si on veut partir du côté, disons, du freudisme ou du romantisme, c'est d'autres raisons, mais elles se complètent. Oui, non mais moi simplement ce que je vois là, je le vois c'est dans la tradition de ce qui a été un certain romantisme allemand et de plus qu'expressionnisme, je dirais moi. Oui oui. Plus le romantisme allemand. Oui, mais ce romantisme allemand se retrouvait en partie quand même dans un certain expressionnisme. Oui, mais là ça serait plus exactement dans l'architecture même du film et dans son décorum que dans la thématique. Je prends du point de vue de la thématique. Oui, d'accord. Or ce qui est intéressant, c'est que du point de vue d'un certain romantisme noir allemand en fin de compte, on voit bien comment il y a une subversion, je dirais, des valeurs chrétiennes normales, puisque nous parlons du personnage de Lucifer, et comment, en fin de compte, l'innocence et le bien est quelque chose qui n'est pas donné de soi, mais, enfin, si, c'est donné de soi dans la mesure où l'idée du bien existe en elle-même. Mais pour pouvoir s'affirmer sur cette terre, cette idée du bien ne peut s'affirmer qu'à partir de la nuit du néant, de la nuit du mal. Ça en sort, et avec généralement comme allié Lucifer, effectivement, jusqu'au moment où la séparation se fait parce que le bien en tant que tel est affirmé, et qu'il y a alors là la séparation de la lumière, de la vraie lumière en quelque sorte, de la lumière des lumières, comme disent certains romantiques, et de Lucifer qui est renvoyé dans son néant. Oui. Et c'est là où je trouve que d'une certaine manière on est dans une problématique extrêmement forte, mais qui est en même temps extraordinairement subtile. Parce que cela veut dire que la lumière, donc l'innocence, dont le bien, etc., existe d'une certaine, en fin de compte, de toute éternité, mais que ça doit passer par tout un périple sur notre Terre pour pouvoir exister, et que ça doit passer par l'épreuve du noir, et d'une certaine manière même, alors ça c'est extrêmement troublant d'un point de vue philosophique, je dirais, parce que ça quand même peu de personnes ont osé le penser jusqu'au bout, c'est que le bien d'une certaine manière quand même sort du mal. Absolument. Il y a un certain principe de ce que j'appellerais le principe du yin-yang, si vous voulez. Ah oui, mais le blanc sort du noir. Alors là, dans la mise en scène, c'est effrayant, parce qu'il est évident que quand il tombe dans la tombe vers la mort, l'enfant, il serait en vagine. Et que pour renaître, il doit descendre dans le puits, remonter avec la jouissance, avec le diamant, qui est la source de oui, mais d'une autre. Alors là, vie. Je dirais quand même ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'à travers ces images, qu'est-ce qui se joue? C'est que sa mère est morte, et il doit remonter dans le ventre de sa mère. C'est ça, absolument. Il doit remonter en même temps, dans le ventre de la mort. Dans le ventre de la mort. Pour pouvoir s'affirmer enfin. De la mort et de l'idée de la mort. Absolument. Mais alors, il y a beaucoup plus violent, c'est que si on reste un peu sur cette idée d'occultisme, et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de Fritz Lang sans parler d'occultisme. Oui, bon. Mais ça, qu'on le veuille ou pas, ça y est. Hein. Ça y est. L'idée du cercle. Il est évident qu'au début du film, Jeremy Fox peut briser les cercles. C'est-à-dire qu'il est le Lucifer qui peut briser le pentacle et les protections. Je ne dirais pas qu'il peut aller à l'intérieur, il peut les briser. Au début, il brise le cercle de la hallebarde en se battant. La séquence juste avant, il a commencé par briser le cercle. L'aveugle, dans le jeu de Calamaillard, l'a reconnu. Mais peu à peu, il ne peut plus les passer dans ses cercles. Il a besoin de quelqu'un pour aller dans le pentacle à sa place aussi. Et il se rend compte peu à peu que le petit Mohun, lui, peut aller d'un lieu à l'autre sans le briser, peut transgresser le cercle et en sortir. Et quand il croit que lui peut faire pareil, c'est la séquence du combat avec Ashwood, avec cette scène extraordinaire où il tourne le dos pensant être protégé, se fait avoir dans le dos, se retourne et ne peut pas faire autre chose que se retourner et tirer à bout portant, ce qui n'est pas du tout le cas de l'individu, et qu'après, il regarde que le cercle définitivement est perdu pour lui quand il voit la roue du chariot qui tourne à vide, et que le seul cercle lequel il allait, c'est la lune, ce qui veut dire, on sait le sens de la lune dans toutes les religions, dans toutes les philosophies. Bon, il y a une espèce de passation de pouvoir, en effet, sauf que c'est une erreur de penser que c'est une passation de pouvoir, c'est-à-dire de penser que Fox passe son pouvoir de briser les pentacles à l'autre. Plutôt, il comprend, et peu à peu, il le comprend tellement fort qu'il sait qu'il ne peut pas faire autrement, que son maître, Albus Lucifer, donc le dieu noir, son maître, c'est Mohun, c'est le petit. Il le comprend. Alors ça, c'est une analyse. Je ne dis pas que l'histoire raconte ça si on va voir le film demain. Mais il le comprend. Parce que lui qui ne peut que briser les cercles, l'autre peut passer dedans, d'un lieu à l'autre. Et au bout d'un moment, lui ne peut même plus briser les cercles. Il est perdu. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a refusé tout rapport avec les femmes, sauf un jeu complètement avec Madame Ashwood, mais qu'il n'y a plus la gitane qui dansait sur la table. Sur la table, oui, bien sûr. Et comme par hasard, la séquence suivante où quelqu'un entre sur la table, c'est un soudard. Et là, il y a une femme qui a dû posséder dans le temps Fox, mais qui se sert pour voler le vêtement de ce soudard qui dansait. Donc on n'est plus dans la séduction. Et que peu à peu, la fille qui vient des îles, qui, elle, se trouve derrière ce serpent qui se mange lui-même dans la tapisserie, que peu à peu Fox ne peut plus avoir de rapport physique et de sublimé physique, il n'y a plus que la morte qui est là, avec cet enfant, et se rend compte que de cette morte et de lui, l'enfant qui est né, c'est un dieu noir ou le vrai dieu, on ne sait pas, mais c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs, et que peu à peu tous ses pouvoirs font que lui en a de moins en moins. Oui, mais alors là, je dirais que... Ça rejoint d'ailleurs toute la thématique de Mabuse, de Lang et tout. C'est pas du tout surprenant que Lang ait aimé ça. Non, mais absolument. Mais là, je veux dire, là, nous sommes dans toute une certaine tradition allemande. N'oublions pas quand même que Lang est allemand et que c'était pas pour... Il a quand même hérité de beaucoup de choses. Nous n'allons pas encore reparler de la Blaublumen, Michel Gassner. Non, mais c'est dans toute une certaine tradition allemande qui, je dirais, à certains égards, a repris quand même aussi beaucoup d'éléments de ce qu'on peut appeler la thématique de la Kabbale. C'est-à-dire, effectivement... le pentacle en tant que tel, les deux puissances vis-à-vis du pentacle, c'est-à-dire la puissance noire, la puissance du bien, la puissance du bien qui, elle aussi, souvent se fait par rapport à la puissance du noir, et en même temps, cette puissance, savoir si c'est une puissance qui est une puissance, je dirais, unisexe, ou si c'est une puissance androgyne. Or, il est évident que dans le cas de Jeremy Fox, nous sommes dans le cas d'une puissance unisexe. Vous le dites très bien, effectivement, les relations avec les femmes, c'est quelque chose qui, peu à peu, se détériore totalement, complètement, qui n'existe plus que, en fin de compte, et c'est ça la réalité, le fondement du film, qui n'existe que par rapport à une morte, et donc en même temps avec cet appel à la mort, dont on sait très bien, dont on voit, en fin de compte, que c'est son destin, c'est inéluctable. Et un autre visage de la mort, vu que Madame Ashwood dit bien, ses enfants, ses petites pestes, donc elle refuse d'être femme et d'enfanter. Donc avec un reflet beaucoup plus sournois. Absolument. Oui, mais alors ce qui était tout à fait étonnant, c'est que si on prend les deux femmes principales vivantes, c'est-à-dire qu'on peut voir dans le film, c'est-à-dire Mrs. Manton, d'une part, et Lady Ashwood, de l'autre, c'est, bon, pour rester dans le cadre de cette cabale dont je parle pour l'instant, ce sont effectivement des visages de Lilith, pas du tout de l'Ève qui est à rédimer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'avec l'élite, bon, c'est la femme du mal, effectivement, dans Lady Ashwood. Alors là, je veux dire, c'est dit d'une manière tellement claire qu'on ne peut pas ne pas le comprendre. Qu'est-ce que c'est ? C'est en même temps la figure de la lune noire. Et c'est là où on rejoint ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Je veux dire que lorsque Jeremy Fox est le soleil noir, nous avons une Lilith qui est la lune noire, ce qui, d'une certaine manière, effectivement, c'est un androgyne qui se recompose, mais un androgyne dont on sait très bien que la première marque, c'est la stérilité. Il n'y a pas de rapport réel. Et en plus, nous sommes dans le royaume du noir, de l'ombre et de la nuit et de la mort. Et donc, alors là, il me semble qu'il y a une espèce de logique sous-jacente du film qui est absolument incassable. Moi, j'irai plus loin que vous. Je dirais qu'il y a eu une castration mentale et après une castration affirmée. C'est la main blessée chez Lang, c'est clair. Vous le dites en termes psychiques, moi je le dis en termes mythologiques. Oui, non, mais c'est la castration par les chiens. Parce qu'il est évident, on pourrait dire, que l'enfant a été conçu avant que les chiens n'attaquent, et là on tourne dans la psychanalyse, mais c'est tellement évident. Mais alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un autre personnage de femme, et qui lui est totalement effrayant, et qui est le personnage avec lequel n'existe que Mohun, que le petit Mohun, c'est la nièce de celui qui commande la place. Cette espèce de personnage qui apparaît devant le pendu, au départ, et qui revient, disons, en s'introduisant dans la maison, comme si c'était déjà chez elle, comme si elle est déjà être celle avec laquelle tout est conclu. Et d'ailleurs, elle intervient d'abord devant le pendu en expliquant qui il est et en l'aidant à marcher. Et la deuxième intervention, car je ne parle pas de la troisième qui a été imposée à Fritz Lang où elle revient, c'est quand elle vient le voir, elle explique qu'on peut entrer ici et tout, et qu'elle lui dit, bon, nous allons à la messe. Vous venez. Et elle l'emmène à la messe. Ce qui paraît absolument aberrant. Là, on est encore dans un truc. Et là, on comprend que c'est la messe du matin et que c'est le petit matin, parce qu'après, quand il est prisonnier des contrebandiers, après de tomber la nuit, il y a un jour entre l'obscurité et le jour où on est obligé de se dire que c'était la messe du matin, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que la fête chez les Ashwood durait depuis longtemps. Là, il y a une espèce de disjonction totale entre le temps, la lumière de la nuit, de la lumière du jour, qui est très, très excitante aussi, parce que tout se passe à ce moment-là autrement. Et ce personnage, qui paraît complètement absent, et pourtant, dans les plans qui nous restent dans la tête, un des plans, c'est son apparition avec le pendu. Oui, effectivement. Et c'est pas une petite fille. Elle n'est pas habillée en petite fille, cette petite fille. Disons que ça doit être une jeune femme. Non, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien. Très bizarre. Je dis une jeune femme parce qu'elle est d'une certaine manière une femme, et d'une autre manière, elle est une petite fille, effectivement. Oui, mais il y a un statut très indéterminé. C'est très flou. Très indéterminé, et qui, moi, me rappelle quand même très fortement un certain nombre, alors là, de personnages, là aussi, du romantisme noir. Allemand, ce qu'on appelle souvent, suivant les cas d'ailleurs, c'est soit on va vers le terrifiant, c'est la nonne rouge, soit on est dans un noir plus métaphysique, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la nonne noire. Effectivement, c'est-à-dire où nous sommes dans l'ambiguïté complète, où effectivement c'est un pouvoir qui est relié à un pouvoir religieux et quelque chose qui est en principe l'émanation de la lumière, et d'où en même temps il y a quand même toutes les puissances de la nuit. Et il y a une sorte d'entre-deux, si l'on peut dire. Michel Cazenave, elle apparaît dans la nuit. Absolument. Près d'un cadavre. C'est ce que je dis. D'un pendu. C'est ce que je dis, vraiment. Donc, elle est vraiment. Nous sommes dans l'entre-deux. Oui, mais en même temps, elle amène à la messe. Et c'est bien là qu'il y a une espèce d'hésitation. Mais à la messe. Comme si. Là, je dirais, mais là vous ravissez, parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à la messe? À la messe, le sermon du prêtre est un sermon complètement incroyable, une violence, une dureté, et qui parle de blasphème par rapport à quelqu'un qui est là dans l'église, qui est Barberousse, dont la statue est dedans. Oui. On est complètement... Est-ce que c'est une messe noire ou une messe blanche? Moi, je ne comprends pas très bien, quelque part, avec ces gens qui se lèvent, un tel est mort, et tout, tous les contrebandiers. C'est très, très curieux, comme séquence. Non, alors là, ce qui est tout à fait étonnant, moi, je ne dirais pas... Je ne me pose pas la question de savoir si c'est messe noire ou messe rouge. Je dirais, à mes yeux, c'est la messe authentique d'une certaine tradition tordue de l'église. C'est-à-dire, à mes yeux, c'est ce que j'appelle une messe de l'Inquisition. Hein? C'est-à-dire, bon. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque cette jeune femme, je continue à l'appeler jeune femme parce que je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, hein? Bon, amène à cette messe, lorsque je dis qu'elle est dans l'entre-deux, c'est qu'effectivement, elle amène quand même au pouvoir, en principe, de la lumière de la religion, et qu'en même temps, nous sommes du côté noir de la religion. Mais nous sommes du côté noir qui, en même temps, lorsqu'il dénonce un personnage, je dirais, le dénonce quand même à bon droit. Parce qu'on comprend bien que Barberousse, ça a dû être quelqu'un de fort peu recommandable. Ça, c'est à l'évidence. Et c'est là où je dis, où justement, il y a une espèce de jeu dialectique, du bien au mal, de la lumière à la nuit, qui fait qu'on ne sait jamais, et qui, d'une certaine manière, je dirais, est comme l'emblème, là aussi, de ce qu'affirme un certain romantisme, c'est-à-dire, reprenant d'ailleurs des anciennes intuitions, cathares, manichéennes, etc., c'est-à-dire qu'entre les principes du bien et du mal, du noir et de la lumière, nous sommes dans ce qu'on appelle, nous, sur cette terre, dans l'univers du mélange, dans lequel les deux sont complètement liés, à tel point qu'on ne peut plus les séparer. Je croyais que vous étiez parti. Où ça? Sur la plage. Regardez le bateau. Il y a encore? Oui, il y est encore. Demain, à cette heure-ci, nous serons en haute mer, n'est-ce pas? Je savais que vous ne feriez pas une chose pareille. Comment? Vous avez dit que vous alliez me laisser, mais vous ne l'avez pas fait. J'aimerais que tu dormes. Ma mère avait peur que je reste toujours pauvre. Maintenant, nous sommes riches. Je crois qu'elle aurait aimé que nous vivions ensemble au manoir. N'est-ce pas? Oui. Nous ne pourrons plus y vivre à présent. Tu peux, toi. Moi, non. Alors j'y renonce aussi. Quand nous serons aux colonies, nous pourrons vendre le diamant. Et nous achèterons une maison comme celle de ma mère, avec des écuries pour 100 chevaux, et des bassins, des fontaines et des fleurs. C'était Les Contrebandiers de Moonfleet, une émission de Noël Simsolo, avec Alain Corneau, Bernard Eisenschitz, Serge Danet, Jean Douché, Michel Cazenave. Équipe technique, Nathalie Vivier, Yves Builly, Jean-Claude Gauthier, Guy de la Ville Marquet. Archives, INA. Réalisation, Jean-Claude Loiseau. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 12 janvier 1990.